entre nous deux. Hey, hey. Sans retenue et sans complexe. Hey, hey. Faisons la fête au petit jour. Hey, hey. I see it. En 2002, il a fallu, je sens mes griffes en ton égard sans le vouloir. Tu as voulu un homme comme moi pour faire la fête, maintenant sûr. On partira très loin d'ici pour faire la fête en boîte de nuit. En boîte de nuit, en 2002. Il a fallu, je sens mes griffes en ton égard sans le vouloir. Tu as voulu un homme comme moi pour faire la fête, maintenant assure. On partira très loin d'ici pour faire la fête en boîte de nuit. En boîte de nuit. Car le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé. Ne te pas arriver. Pas de blocage qui nous empêchera de faire bisous pendant la danse. Il n'y a pas trop de lumière, maintenant chérie avance. On a le son, le décibel tropique, à vous c'est beau. On est content. Pas de blocage qui nous empêchera de faire bisous pendant la danse. Il n'y a pas trop de lumière, maintenant chérie avance. On a le son, le décibel tropique, à vous c'est beau. On est content. Car le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé. Le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé. Donne-toi envie sous le système. Joue avec moi. Donne-toi envie sous le système. Joue avec moi. Donne-toi envie sous le système. Joue avec moi. Donne-toi envie sous le système. Avoue que c'est bon. En délire, il a fallu, je sens les griffes, entends les garçons de vouloir. Tu as voulu un homme comme moi pour faire la fête, maintenant l'assure. On partira très loin d'ici pour faire la fête en boîte de nuit. En boîte de nuit. Pas de blocage qui nous empêchera de faire bisous pendant la danse. Il n'y a pas trop de lumière, maintenant chérie avance. On a le son, le décibel tropique, à nous c'est beau. On est content. Car le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé. Car le moment n'était pas arrivé.